ça ou faire ça ou dit c'est vérité. Vous m'en démontrez pour ça m'en taillé, pour ça ou faire venir. C'est à te force m'a chanté. Vous m'ouvrez grandeur côté m'passé. Oui, vous méritez. Et moi exister pour moi dès qu'il la souillé. Ça difficile pour l'homme, facile pour vous. Au mission souffrant, vous plaît à l'amour, tellement pas limité. Pagé mon goût, bon Dieu. Ça difficile pour l'homme, facile pour vous. Au mission souffrant, vous plaît à l'amour, tellement pas limité. Les hommes pas qu'à connaître. Toute action y'a certifié. Pouvoir dépasser ça l'homme croyé. Parole ou puissant, force ou dédoublé. Que monsieur l'homme inventé. Pour tellement grand beauté. Pagin mon bou bon Dieu, pagin mon bou.